Bonjour à tous, on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance de Dietrich Bonhoeffer. Mort dans un camp de concentration pour s'être opposé au régime nazi en 1945, il reste un grand témoin du christianisme au XXe siècle. Dietrich Bonhoeffer était luthérien, mais sa pensée et son œuvre a inspiré de nombreux chrétiens bien au-delà du monde protestant auquel il appartenait. Pour retracer son parcours, je vous propose d'écouter le pasteur Frédéric Rognon, enseignant à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Alors, il est de tradition luthérienne, disons qu'il appartenait à la haute bourgeoisie allemande. Son père était psychiatre et neurologue. Il est né en 1906. C'est un intellectuel, il est assez brillant, puisque je crois qu'il est docteur en théologie à 23 ans. Voilà, il est très précoce et il va être effectivement très très tôt enseignant en théologie, après ses études en théologie, et pasteur, très jeune effectivement. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie quand il est jeune? Il a un projet particulier? Il veut être un homme, dit-il. Il veut être un être humain. Il veut que sa vie ait un sens. Et je crois que c'est ce qu'il va chercher à faire tout au long de sa vie. Il s'intéresse aux autres chrétiens. Lui est protestant. Il s'intéresse au monde catholique à une époque où l'œcuménisme était encore balbutiant. Oui, il se rend à Rome très jeune au cours de ses études, je crois au bout d'un an de ses études de théologie, et il est tout à fait fasciné par l'Église catholique, par le Vatican, et il va avoir une action de précurseur dans le domaine œcuménique. C'est quelqu'un qui va voyager, Dietrich Bonhoeffer part aux États-Unis. Il part aux États-Unis en 1930. À la fin de ses études de théologie, il dispose d'une bourse d'études pendant une année à New York. Et ça va être un voyage tout à fait capital dans son cheminement, parce qu'il va rencontrer aux États-Unis un pasteur français qui s'appelle Jean Lasserre et qui va avoir une influence très forte sur son cheminement. Il est très intéressant de comparer les discours de Dietrich Bonhoeffer juste avant ce voyage et les discours juste après. Et on voit qu'il y a là une sorte de conversion de Dietrich Bonhoeffer à la cause de la paix. C'est-à-dire que juste avant ce voyage aux États-Unis, il est très conditionné par le traumatisme que subit son peuple après le traité de Versailles. L'échec de la guerre 14, voilà, 18. Et il a une théologie très nationaliste en disant que la guerre peut être justifiée dans un certain nombre de cas. Alors que après cette rencontre avec Jean Lasserre à New York, il va s'ouvrir à une toute autre dimension et s'engager de manière très radicale pour la paix notamment en Europe. Alors l'Allemagne, les années 30, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 30 janvier 1933. Comment réagit-il ce pasteur protestant, Dietrich Bonhoeffer? Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier. Le 1er février, Dietrich Bonhoeffer intervient à la radio. C'était une émission religieuse qui était prévue de longue date. Deux jours après l'arrivée de Hitler au pouvoir, où il va avoir un discours très ferme sur les risques de ce changement politique en Allemagne, en disant que c'est extrêmement dangereux pour le peuple allemand, et l'émission va être coupée au milieu. C'est un premier acte de résistance de Dietrich Bonhoeffer à 27 ans et premier acte de censure. Donc il est censuré par le régime. Il est censuré et il va avoir ensuite beaucoup de problèmes avec le régime, puisqu'il ne va jamais cacher ses opinions, et notamment ses opinions contre la politique antisémite du régime. Mais il est franc-tireur ou il est rallié par l'ensemble du protestantisme en Allemagne? Alors il va être à l'origine, avec d'autres pasteurs, de ce que l'on appelle l'église confessante, c'est-à-dire cette partie de l'église protestante allemande qui refuse l'allégeance au régime nazi, et donc il va essayer de résister au sein de l'église. Mais il trouve que même cette église protestante, cette église confessante, qui refuse la mainmise du régime, est trop timide, parce qu'elle ne veut pas, par exemple, prendre des positions par rapport à la persécution contre les Juifs, alors que lui ne craint pas de le faire. Il s'engage pour protéger des Juifs dans des réseaux pour lutter contre l'antisémitisme? Tout à fait. Il va permettre à un certain nombre de Juifs de passer en Suisse et d'être protégés ainsi. Il va donc avoir une action de résistance non violente très très forte. Le magazine écuménique, Béatrice Soltner. Pasteur Frédéric Rognon, avec vous, nous parlons de Dietrich Bonhoeffer, cet Allemand qui a eu un rôle important pendant la guerre en Allemagne. Il a combattu l'idéologie du nazisme. Pendant la guerre, quelle est son action? Qu'est-ce qui se passe pour lui quand la guerre est déclenchée? Alors, quand la guerre est déclenchée, il voit tous ses efforts pour essayer de l'éviter tomber. Il est quelque peu découragé. Il traverse une crise existentielle très forte. On lui propose alors de travailler aux États-Unis. Il part aux États-Unis et puis au bout de 3 semaines, il dit non, j'ai quelque chose à faire au sein de mon peuple. Et il revient, alors qu'il partait pour 1 an, il revient en Allemagne. Et à ce moment-là, il va avoir de nouveau un grand changement dans sa vie. Après avoir travaillé à la cause de la paix pour éviter la guerre, une fois que la guerre est déclenchée, il va avoir l'occasion d'intervenir dans un réseau de conjuration pour renverser le régime et pour assassiner Hitler. Il prend des risques là. Il prend des risques, il prend de grands risques et ça va lui coûter très cher. Quel est son rôle dans cette conjuration? Il ne va pas avoir un rôle direct, mais un rôle indirect tout à fait précieux. C'est-à-dire que tous les contacts qu'il a eus auparavant, avant la guerre, avec les autres églises protestantes et avec le Vatican au cours de ses voyages dans toute l'Europe, il va utiliser ces réseaux pour mobiliser des chrétiens pour essayer d'obtenir des gouvernements des pays hostiles à l'Allemagne qu'ils acceptent qu'en cas de changement de régime en Allemagne, l'Allemagne puisse bénéficier d'une paix juste, c'est-à-dire qu'on ne refasse pas le traité de Versailles en cas d'assassinat d'Hitler. Et pour avoir un argument pour que des militaires haut placés dans l'armée allemande bascule du côté de la conjuration. Ça sera ça son rôle de contact. Comme on le sait, les attentats, il y a 10 d'attentats contre Hitler au cours de la guerre, tous les attentats vont échouer et Dietrich Bonhoeffer va être arrêté en 43. Il va passer 2 ans en prison et il va finalement être assassiné au camp de concentration de Flossenbürg en Bavière, 1 mois avant la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on sait de ses dernières années de vie? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce qu'il a écrit? Ce sont ses lettres de prison qui sont certainement les plus touchantes dans toute son œuvre. Il faudrait parler de ses autres livres, mais les lettres de captivité qui sont publiées en français sous le titre « Résistance et soumission », qui sont des lettres pour la plupart clandestines qu'il a réussi à faire passer à l'extérieur de la prison grâce à des gardiens bienveillants et qui montrent non seulement les conditions de détention, l'évolution de ses opinions, de sa pensée, mais aussi ses options théologiques qui vont être présentées dans cette épreuve de la prison. Dietrich Bonhoeffer est donc un témoin courageux qui va le payer très cher. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son engagement? Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de son témoignage spirituel, puisque c'était un spirituel? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Son engagement en faveur de la paix, je crois, marque vraiment son œuvre, mais une paix qui ne soit pas confondue avec la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait actuel encore. Ne pas se contenter d'une paix à bon marché, d'une paix simplement identifiée à la sécurité. Une vraie paix qui repose sur la justice. Et donc un combat en faveur de la paix qui essaye d'éviter la guerre en amont, qui essaye de s'attaquer aux causes de la guerre, et cela essentiellement en travaillant à la justice et en multipliant des rencontres entre les peuples, en essayant de se connaître, de faire tomber les préjugés des peuples les uns sur les autres. En amont, et puis après, une fois que la guerre est déclarée, il a fait ce qu'il a pu, il a donné sa vie pour essayer de sortir de cette guerre. Mais je crois que son témoignage en amont de la guerre est pour nous tout à fait précieux. Lorsqu'il est en captivité, Dietrich Bonhoeffer, je suppose, se pose la question de Dieu, du mal, de la souffrance. Il est au cœur de la tourmente, personnellement, lui. Est-ce que sa vision de Dieu change et comment évolue-t-il avant sa mort? Alors, sa vision de Dieu ne change pas, c'est sa vision de la société qui change. Il se rend compte qu'on est passé, et ça il s'en rend compte un peu avant tout le monde, on est passé d'une société où l'existence de Dieu ne se discutait pas à une société qui se passe de Dieu, une société qui permet au mal absolu de déferler sans du tout se poser de questions de conscience. Il constate ça au sein de l'Église, pas seulement dans la société de son temps. Et donc, il se pose la question, quel discours, quelle parole tenir, quel évangile prêcher à une époque où l'hypothèse Dieu n'existe plus, où on ne se pose même plus la question de Dieu, comment parler à ses contemporains? Oui, c'est très actuel, cette problématique. Tout à fait. Il le voyait déjà à son époque, et cela n'a fait que se confirmer par la suite. En 1944, il écrit, je suppose que c'est pas très loin de sa mort, « Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre en tant qu'hommes qui parviennent à vivre sans Dieu. » Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Vivre en chrétien sans désincarner sa foi, c'est-à-dire en étant aimant pour ce monde, en aimant ce monde parce que Dieu aime ce monde, et en aimant ses frères et sœurs, ses contemporains, parce que Dieu les aime. Donc, éviter à la fois d'oublier Dieu, comme le font beaucoup de ses contemporains, et en même temps, éviter de désincarner sa foi en restant proche, en restant incarné dans les réalités de ce monde. Donc, vivre avec des frères et sœurs pour qui Dieu n'a pas de sens, et vivre, témoigner de Dieu dans ce contexte-là, je crois que là on a beaucoup à apprendre. Le pasteur Frédéric Rognon, qui connaît bien le parcours de Dietrich Bonhoeffer, a noté qu'il vient de faire paraître un livre très instructif sur la gestion des conflits en temps de crise dans l'Église, paru aux éditions Olivetan, livre dont nous reparlerons prochainement dans ce magazine. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur Dietrich Bonhoeffer, vous pouvez aller surfer sur le site theovie.org. Ce site de formation à distance lancé par l'Église réformée de France propose un module entier sur les grands témoins du christianisme. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone, le 04 67 06 45 80. Si vous avez suivi ce magazine depuis début septembre, vous avez entendu le père Michel Evdokimov évoquer différentes facettes du monde orthodoxe. La série continue après le baptême, l'Eucharistie, la prière ou encore la place des moines. Aujourd'hui, le père Michel Evdokimov évoque le thème de la création et du cosmos. Le Christ est venu pour sauver l'humanité et la création tout entière. C'est ce qu'aime à rappeler le père Michel Evdokimov. Lorsque saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que toute la nature souffre et gémit dans les douleurs de l'enfantement et dans l'attente de l'avènement du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il est tombé du ciel, c'est la chute, il a entraîné la nature avec lui. Et donc la nature souffre. Il y a dans la nature des souffrances, il y a des cataclysmes, il y a des incendies, il y a des tremblements de terre, il y a des raz-de-marée. Et il y a des lions qui mangent les agneaux. Vous vous rappelez dans Isaïe, viendra le temps où la panthère et le chevreau, je crois que ce sont ces animaux, pourront jouer ensemble. Où l'enfant s'ébattra au-dessus du nid de la vipère et ne craindra rien. Oui, c'est ce pressentiment du prophète qu'un jour viendra où nous retrouverons cette joie de vivre qu'il y avait dans l'Éden. Sans aucune cruauté, sans aucun mal, sans aucune mort. Et pourtant aujourd'hui, comme hier, c'est raconté dans la Bible, nous continuons à souffrir de tous ces maux qui nous frappent. On voit les catastrophes aujourd'hui, oui. Tout ce qui nous arrive. Oui. Il est difficile de croire en un jour meilleur quand on est un peu submergé par tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est toujours difficile de croire. Ma chère Béatrice, de toute façon, c'est difficile. Mais il y a une chose vers laquelle nous pouvons tendre. C'est la transformation de notre être dans le sens d'une transfiguration. Chaque fois que nous prononçons une parole de vérité, une parole de justice, une parole d'amour, nous sommes en voie de transfiguration. Et chaque fois que nous abordons le monde, le cosmos, ce monde qui nous entoure, dans l'amour, dans l'émerveillement parce qu'il est beau, il a sa beauté secrète. Il n'y a pas que de la laideur dans le monde, loin de là. De chaque fois que nous pouvons rendre grâce pour cette beauté de la création, alors nous sommes en voie de transfiguration, nous sommes en voie de saisir ce monde comme une nature qui peut être transfigurée, c'est-à-dire retrouver la voie du paradis. Et je vous rappellerai que ce qui sert de support au sacrement. Donc, le sacrement, c'est ce qui rend l'homme le plus proche dans sa communion avec Dieu. Je pense en particulier au sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui permet de soutenir ce sacrement? C'est le pain, c'est le vin, ce sont des produits de la nature. Quand vous baptisez un petit bébé ou un adulte, c'est l'eau. Donc, vous voyez, il y a déjà cette sanctification des choses de ce monde, des objets de ce monde, des produits de ce monde, pour nous sanctifier, nous. Vous voyez à quel point ce cosmos est important. Il est important de transfigurer ce cosmos, de le sauver, parce que c'est lui qui nous sauve et qui sert de support à notre salut. Est-ce que c'est par notre regard, par le regard que nous avons sur ce monde, que nous pouvons le transfigurer avec la grâce? Je crois qu'il y a plus encore. Il y a une manière d'utiliser ce monde. On peut l'utiliser en l'exploitant d'une manière odieuse, en ne pensant qu'à retirer de l'argent, de l'exploitation, des mines, du pétrole, tout ce que vous voudrez, sans penser d'ailleurs que la pollution que nous faisons actuellement va empoisonner nos enfants et petits-enfants. Et puis sans compter les exploitations humaines qui sont... Absolument. Sans compter les exploitations humaines. Alors, il peut y avoir une attitude écologiste qui est tout à fait louable, mais qui est une attitude, excusez-moi, de petits bourgeois, enfin, qui se disent, faut faire attention, faut pas trop gaspiller, parce que sinon on n'aura plus rien. Non, nous allons beaucoup plus loin, nous disons, mais il faut changer notre attitude vis-à-vis de ce monde, il faut l'aimer, il faut ne pas le faire souffrir, il ne faut pas l'exploiter, comme si ses richesses nous étaient données pour l'éternité. Et je vous donnerai un exemple. C'est un exemple que vous connaissez, c'est l'exemple de la sainteté mise au contact de la nature. Je pense par exemple à l'apprivoisement du loup de Gubbio par Saint François d'Assise, ou d'un ours par Saint Séraphin de Sarov en Russie. Saint Séraphin de Sarov recevait tous les jours la visite d'un ours, et lui donnait un peu de son pain, et l'ours ne lui faisait jamais de mal. Et un jour, Saint Séraphin n'avait plus de pain. Alors l'ours vient, et puis Saint Séraphin lui dit, il n'y a plus rien. Alors l'ours est reparti, pan, pan, pan, pan, avec ses grosses, marchant sur ses grosses pattes, il est reparti, puis le lendemain, il est revenu. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le corps de l'homme dégage une odeur de mort, tout simplement parce que nous sommes mortels et que nous savons que nous allons mourir, que nous sommes plus ou moins angoissés par la mort. Lorsqu'un homme comme Saint Séraphin, qui a vécu 300 jours de prière sur un rocher, qui a vécu 10 années dans la solitude profonde de la forêt de la Russie, que cet homme a vaincu toute angoisse de la mort à l'intérieur de lui-même, alors son corps ne dégage plus cette odeur de mort qui excite les animaux sauvages. Et les animaux sauvages, dits sauvages, retrouvent en l'homme la même attitude qu'ils avaient en face d'Adam au paradis. Oui, on retrouve cette odeur paradisiaque, si vous voulez, cette paix paradisiaque. Mais on a l'impression que pour ça, il faut se retirer, justement, puisque vous prenez l'exemple de quelqu'un qui s'est retiré du monde, quand même. La difficulté pour nous, aujourd'hui, c'est d'être dans le monde, oui, et à l'intérieur de soi-même, effectivement, ne pas avoir cette odeur dont vous parlez, mais c'est difficile. C'est plus difficile dans le monde. Et en même temps, si c'est notre vocation d'être dans le monde, c'est dans le monde que nous devons y parvenir. Et vous avez tout à fait raison, bien sûr. Moi, j'ai donné des exemples d'hommes qui vivaient en dehors du monde, c'est vrai. Peut-être parce que cette ascèse, c'est-à-dire cet exploit, cet exercice, cette discipline rigoureuse à laquelle parvenir, cette concentration, si vous voulez, de tout l'être, de tout le cœur, de tout l'esprit sur la personne du Christ ressuscité nécessite un retrait du monde. Je pense qu'il y a des saints qui ont vécu dans le monde, profondément, je le crois. Et Madeleine Delbrel était une grande sainte, je ne sais pas si elle a été canonisée ou pas, mais il y a des gens qui ont mené une vie de sainteté dans le monde, j'en suis persuadé. Mère Teresa, pour prendre un autre exemple. Mais ce que j'appelle... ce contact avec la nature sauvage, d'abord, il n'y a pas de loups ni d'ours dans nos villes qui courent dans les rues de Paris, heureusement. le magazine écuménique, Béatrice Soltner. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette citation de saint Irénée synthétise bien l'esprit orthodoxe à travers la liturgie, mais aussi dans la vie tout entière. C'est pourquoi la fête de la Transfiguration est particulièrement mise à l'honneur dans l'orthodoxie. Retrouvons le père Michel Evdokimov. Nous avons quand même une fête de la Transfiguration qui est vécue avec beaucoup d'éclat dans l'Église orthodoxe. Ce jour-là, nous apportons à l'Église les prémices des moissons, des fruits que nous consommerons à la fin de la liturgie. Comme pour rappeler que le cosmos est là, il nous nourrit, il a sa beauté propre et nous prions au cœur même de cette vie cosmique qui nous permet de vivre, tout simplement. La Transfiguration personnel, c'est le travail de toute une vie. La Transfiguration, c'est d'abord l'épisode du Christ transfiguré sur le mont Tabor. La Transfiguration, c'est un don de Dieu. C'est une manière de voir Dieu dans sa réalité divine. Ne croyons pas que l'enfant Jésus, que sa divinité n'était pas visible. L'éclat de sa divinité, cet embrasement de lumière que les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont observé sur le mont Tabor, cet embrasement de lumière ne quittait pas, n'a jamais quitté Jésus à toutes les étapes de sa vie. Mais simplement, sur le mont Tabor, il a été donné aux apôtres de la voir. Pourquoi? Alors là, les pères de l'Église disent, pour ne pas désespérer les apôtres, lorsqu'une semaine plus tard, ils verraient leur maître défiguré, insulté, mis en croix et mort. Donc la Transfiguration, c'est quelque chose qui existe dans le monde et c'est comme si un coin du voile s'est élevé, se lève pour nous montrer la réalité telle qu'elle est. La Transfiguration, c'est quelque chose que nous pouvons éprouver dans notre vie. En dehors de l'exemple le plus courant, le plus banal, c'est un jeune homme aime une jeune fille. S'il voit cette jeune fille, s'il aperçoit cette jeune fille dans une foule, la foule disparaît, elle n'existe plus, mais la jeune fille émerge comme une colonne de lumière. Mais la Transfiguration, c'est peut-être aussi lorsque deux êtres parlent et se découvrent dans l'amitié, dans la vérité, et ils échangent des sentiments, des pensées qui ne leur étaient peut-être jamais venues à l'esprit auparavant, et il découvre une réalité profonde. Je pensais que tel être n'avait pas d'amitié pour moi et je me suis rendu compte que je me suis trompé parce que je l'ai vu. Je crois que la Transfiguration, c'est s'approcher au plus près de la vérité des êtres, des créatures, de tout ce qu'il y a dans le monde. Au-delà de ce qu'on a imaginé ou de ce qu'on croit être vrai. Oui, de ce qu'on croit être vrai, parce que une partie de la vérité des êtres et des choses nous reste cachée. Et c'est pour ça que le Christ dit à un moment donné, lorsqu'il parle de la lampe, vous voyez qu'il faut mettre sur un support pour que tout le monde puisse la voir, il dit cette chose assez mystérieuse, il n'y a pas de secret qui ne sera révélé, il n'y a pas de mystère qui ne viendra au grand jour. Et je crois que c'est ça la condition de notre vie. Nous vivons dans le secret, dans le mystère, dans des choses qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins révélées. Mais un jour, tout sera révélé. Et ce jour-là, nous serons alors dans la Transfiguration. Un grand merci au père Michel Evdokimov que nous retrouverons la semaine prochaine. Rappelons qu'il est l'auteur d'un très beau livre intitulé « Ouvrir son cœur » paru aux éditions des Clés de Brouwer. Trouvez les moments forts de cette émission sur cassette ou CD. Écrivez à RCF, service auditeur, 7 place Saint-Irénée, 69 321, Lyon, CEDEX 05.